Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Ezwa dans le rôle de l'émir, Christian Martin dans le rôle du matelot du Torah 2 et à la narration. Chapitre 7, cinquième partie. Maintenant que Larry Tilco a rejoint la prison du Torah 2, on va essayer de retrouver ton protévé. Curieuse d'en savoir plus sur celui qui lui avait peut-être sauvé la vie par son intervention, Mazas remercia l'émir. Accompagné des deux Pavel et de l'Antilan, le mulot castor indiqua au pilote de la gazelle la direction de l'île de la chasse à l'homme. Arrivé sur place, il lui demanda de stationner dans les airs, à la verticale de la mangrove. Puis, il s'enfonça confortablement dans son siège, ferma les yeux et se concentra. Parfois, les poils de sa moustache frémissaient et un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. Silencieux, ses compagnons l'observaient. Quelques minutes passèrent, puis le télépathe ouvrit les yeux en découvrant son incisive. « Je crois que je l'ai repéré. En tout cas, c'est le seul être là-dessous dont le cerveau soit aussi actif et faisant preuve de curiosité. Tous les autres dont je perçois les pulsions ne semblent occupés que par quelques idées directrices, manger, dormir ou procréer. Peux-tu entrer en contact avec lui ? Non, mais je peux l'amener ici. » Et une sorte de loutre gigotante et glapissante, à la fourrure dégoulinante, vient se matérialiser sur le siège vide à côté de la jeune femme. Le petit amphibien roulait des yeux affolés et ses bras se nouaient spasmodiquement sous son ventre d'un gris plus tendre. Mazas tenta de le calmer. Il eut un mouvement de recul, comme elle avançait la main vers lui, puis, soudain, il parut la reconnaître et se calma instantanément. Son regard intelligent l'observa attentivement et il étendit à son tour une main hésitante qui se posa timidement sur celle qui lui était tendue. La Carsacienne lui fit un grand sourire, pressa doucement les quatre doigts aux griffes rétractiles, puis entreprit de les gratter sous le menton. Yohop ferma les yeux. « Ce n'est pas moi qui aurai droit à des gratouilles !» maugréa l'émir, dont l'œil pétillait de malice. « Je te réserve mes plus tendres caresses lorsque nous serons dans l'intimité !» lui rétorqua-t-elle en riant. À présent, l'être aquatique était tout à fait rassuré et il examinait les inconnus autour de lui avec curiosité. De par ses expériences précédentes sur la terre ferme, il connaissait un peu les bipèdes, mais son regard étonné s'attarda sur Arx, dont l'aspect lui parut surprenant, et sur le mulot castor auquel il trouva une légère ressemblance avec ceux de sa race. L'émir pouvait lire ses pensées simples et s'amusait de son étonnement. Il était en même temps surpris de constater que l'animal s'adaptait avec une aisance remarquable et qu'il ne semblait pas perturbé par une situation toute nouvelle pour lui. Vraisemblablement, par rapport aux individus qui composaient sa tribu, il était une espèce de mutant. L'émir en était là de ses réflexions quand le communicateur de bord lança un appel. « Attention à tous les vaisseaux! Une flotte encore non identifiée d'une centaine de bâtiments vient de sortir de l'entre-espace et se dirige vers Aubioche. Contact prévu d'ici 40 minutes environ. Ordre à toutes les chaloupes de rejoindre immédiatement leur hangar.